fois ballon, télescope là-haut, va ton molato, Africa tato, grenade à barreau, très Honda top tacho, M pas faire l'ado, roi à bateau, j'ai une bicycle, fume à dragon, pas un gris bâton. Le gros squad gang gang, soit fartif, ma team. Hennessy's at la hashish, des gens chassent vitamine. Le gros squad gang gang, soit fartif, ma team. Hennessy's at la hashish, des gens chassent vitamine. J'ai joué au kacha, j'ai joué au kacha, j'ai joué au kacha, nigro. J'ai joué au kacha, j'ai joué au kacha, j'ai joué au kacha, nigro. J'ai joué au kacha, j'ai joué au kacha, j'ai joué au kacha, nigro. Le gros squad gang gang, soit fartif, ma team. Ça fâche pas, putain. J'ai joué au kacha, Lucio en fougna sa bretta mettre 20 ans, outil maintenant, beaucoup n'a de vaca. On a un bolo, Didi un drogue pas, coffre pas, Lucio fat, t'as fait la vaca. Principe qu'on t'a fait l'ina, une bafale. Tout ça fait cousin, et j'n'ai que des spouras. Rien libre, sous besoin de sang de l'ispital. Cabral, Kuzma, l'ispital, c'est faux métal. Haskix, bêta, Bluetooth d'un verbal. Money, bat, c'est une chana, va être halal. Vamon, gringo, magman, gué chef. Taro, c'est nos 5 femmes en fapet. Nous sommes nos locaux, moula, tout ça fait. Ça se vend, son papa et maintenant, qu'ils aient. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. O